Elon Musk, Fuji, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, c'est la guerre pour le multiverse, la guerre dans la métaverse, intelligence artificielle. Programmation neuro-linguistique et propagande comme Joseph Goebbels en 39. Ma science est prévisible, mais parchemin des génocides, mon dialecte mortel, intelligence artificielle, mon cerveau, la biomachine. Mes écritures sont trop complexes, même en utilisant l'ordinateur quantum de Elon Musk. Il n'arrive pas à reproduire mon lexique extraterrestre. Israélite à empreinte unique, dinosaure, mammouth, binoconéo, comme en 4-0, déterminé comme Bibi Netanyahu ou un soldat du Hamas. Les prises d'otages et les demandes de rançon, les échanges, guerriers contre citoyens, civils contre criminels, aveuglés par la télé et les fausses nouvelles. Nos jeunes sont perdus, tous drogués, tous des consommateurs, tous sur le sirop, le lait, REP, Louvre-Esval. Putain de merde, trop jeune, trop tôt, trop tard, c'est foutu pour vous. Et Narco, IA, Elon Musk, c'est foutu. Bill Gates, Bill Gates, trop tard. Jeff Bezos, Jeff Bezos, Bezos, Mark Zuckerberg, Zuckerberg, c'est la guerre pour le multiverse, la guerre dans la métaverse, intelligence artificielle.